a un équivalent sur une trompette, ou sur un piano, ou sur du matériel électronique qui ferait une onde sinusoïdale parfaite. Ça serait la fondamentale. Cette onde-là, je peux ensuite la modifier en additionnant d'autres ondes sinusoïdales qui sont identiques à elle, mais qui vont être des multiples. La façon la plus simple que j'ai trouvée pour expliquer, c'est en utilisant une onde carrée. C'est quelque chose qui est utilisé par des vieilles consoles de jeux, par des vieux synthétiseurs, puis ben, ça existe encore aujourd'hui, puis c'est utilisé même dans les synthétiseurs récents, puis des chansons qu'on entend à radio. C'est aussi utilisé en électronique pour communiquer entre des appareils. Donc, juste pour l'onde sinusoïdale, aurait comme une gradation en termes d'amplitude de son, en termes de volume. Oui, entre autres. T'sais, on pourrait l'entendre commencer, devenir potentiellement... Ben, c'est pas tout à fait comme ça. Les variations individuelles de pression sont pas entendues comme une augmentation du volume. Ouais, t'as raison. C'est les paquets d'ondes qui vont être entendus après. Parce que quand je pense à une onde carrée, c'est peut-être tard, mais je pense à un son qui est sec, qui a pas de chaleur. On voit l'onde, c'est juste... C'est un son qui part de zéro et qui monte dans une période infiniment petite à 100%, puis qui redescend dans la même période infiniment petite à zéro. Fait qu'il y a un plateau en bas, il y a un plateau en haut, okay. Puis il y a pratiquement rien entre les deux. Comment tu utiliserais ça pour justement expliquer les harmoniques? Ben, il va falloir imaginer une onde carrée qui se comporte un petit peu comme notre fondamentale sinusoïdale. Fait que j'imagine mon onde carrée comme étant un plateau qui après ça redescend. Il va recommencer après, il va remonter, il va redescendre. Mon onde sinusoïdale est pas immédiatement à 100%, elle part de zéro, puis elle monte. Quand la montagne est rendue à son maximum, elle touche au plateau de l'onde carrée. Quand elle redescend à son zéro, l'onde carrée est dans sa partie verticale, est en train de s'en aller à zéro pendant infiniment pas longtemps. Puis, il se passe la même chose, mais à l'envers. Donc, mon onde sinusoïdale, elle va atteindre tranquillement son minimum, pendant que l'onde carrée, elle est déjà à son minimum depuis que l'onde sinusoïdale avait atteint son zéro. On va s'intéresser juste à la partie montagne pour un instant. Une onde carrée, les harmoniques qui sont là-dedans, c'est principalement les harmoniques impaires. Donc, si je veux faire une onde carrée à partir d'une onde sinusoïdale, ça veut dire que je prends mon sinus et je vais additionner quelque chose qui est trois fois comme lui. Donc, pendant que ma montagne se fait, j'ai le temps d'avoir une montagne, une vallée, une montagne, une vallée, une montagne, une vallée. Ça serait la même onde, mais trois fois plus rapidement. Si je l'additionne correctement, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se combiner. Donc, au départ, ils vont monter en même temps. Ça va rendre le côté un petit peu plus à pic. Là, il se passe différentes choses, mais ce qui est important de noter, c'est qu'une fois rendu au pic de la montagne, mon onde que j'ai additionnée, elle, est dans un creux. Donc, si je les additionne ensemble, le négatif avec le positif va creuser le dessus de ma montagne. Et pas assez pour que ça devienne une forme vraiment bizarre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les côtés de la montagne deviennent à pic et le dessus de la montagne devient creusé ou aplati. Attends une minute. J'aimerais ça revenir en arrière parce que juste quand on parlait de guitare puis t'expliquais comment une harmonique, c'était, mettons, ta fondamentale séparée en deux. Mm-hmm. C'est comment ça s'exprime dans le médium à travers l'onde qu'on reçoit dans notre oreille? C'est quoi qui se passe dans l'air? Les harmoniques, c'est-tu comme l'interférence qu'il y a? Ben, cette partie-là est un petit peu difficile à définir. Je pense qu'on est plus dans l'explication mathématique que quelque chose qui se comprend bien par la physique. OK. Parce que la manière dont tu m'expliques ça, tu additionnes t'as ton onde sinusoïdale, t'as ta petite montagne, puis là en dessous, t'as comme. T'as la même onde, mais fois 3. C'est ça. Fait que elle est comme plus petite. Ça creuse un peu le dessus de ta montagne parce qu'il y aurait comme un peu d'interférence là-dedans. Ça fait comme un motif d'interférence. Il faut les voir comme des ondes qui se combinent et qui interfèrent de façon constructive ou destructive ensemble. Ça fait que potentiellement, si je voulais régénérer une onde carrée, je pourrais avoir une infinité de haut-parleurs qui projetteraient chacun une onde sinusoïdale différente. Et puis, au bout de la pièce, si les volumes sont parfaitement bons, j'entendrai une onde carrée. OK. Une onde carrée, ça sonne tout différent d'une onde... L'onde sinusoïdale va sonner douce. Mm-hmm. L'onde carrée va sonner peut-être plus rauque, on pourrait dire. Sauf que selon la fréquence, ça va être difficile de dire que c'est rauque. Ça va être peut-être grinçant. Quoique il y en a des plus grinçantes que ça, en fait un carré qui est parfait va être particulièrement doux parmi les carrés. Là on dit onde carrée, mais en fait on peut parler du pulse aussi là, qui serait comme une onde carrée, mais il y a une partie plus courte puis une partie plus longue. Donc j'aurais un très court plateau à 100% puis un très long plateau à 0%. Donc ça c'est plus grinçant que si j'ai 50-50, qui ressemble beaucoup à mon onde sinusoïdale. Mais pour poursuivre avec l'explication, je veux pas me rendre, par exemple, à 7e harmonique là-dedans, mais le principe d'additionner les ondes sinusoïdales, c'est un petit peu comme le principe de séparer la corde de guitare. Donc, si je séparais ma corde en 3, puis après ça en 5, puis après ça en 7, puis que je combinais tous ces sons-là, j'aurais quelque chose qui pourrait ressembler à l'onde carrée, parce que les interférences constructives et destructives vont tendre, en allant vers l'infini, à quelque chose qui a une côte super à pic, un plateau super aplati, puis une autre côte super à pic. Et tout ça en combinant là, toujours à l'infini. Ben, c'est difficile à vraiment comprendre ce qui se passe entre générer ça et le comprendre dans notre oreille, mais les cellules ciliées sont apparemment capables de comprendre les différentes harmoniques. L'onde sinusoïdale, qui est 3 fois la première, on peut la voir comme s'il y ait 3 octaves au-dessus. Je ne suis pas sûr que c'est exactement ça, en fait. Mais c'est quelque chose de semblable. Pour qu'elle soit 1 octave au-dessus, il faut qu'elle soit 2 fois plus rapide. Donc, pour être 1 autre octave en haut, il faudrait qu'elle soit 4 fois plus rapide et 8 fois plus rapide. Donc, ça va par 2. Fait que si je fais un ratio par 3, en réalité, je viens de générer quelque chose de complètement autre. OK, mais on va revenir à la corde de guitare, OK? Quand tu fais ton harmonique dessus, t'es l'harmonique, t'es à la moitié de la corde, puis c'est par la corde en 2. Mais quand tu fais juste, mettons, la note fondamentale, t'sais, la note fondamentale va vibrer à un certain nombre de hertz. OK? Quand tu fais l'harmonique à la moitié, là, tu as 2 parties qui vibrent 2 fois plus rapidement que la note fondamentale. Oui. C'est cette addition-là, c'est deux notes-là qui font l'harmonique. Ben, oui, et c'est pour ça que ça a un son un petit peu différent, parce que les deux peuvent jamais être exactement pareils. Donc, on a une espèce d'interférence qui est intéressante pour l'oreille. OK. Et les cellules ciliées peuvent reconnaître cette variation-là, imparfaite, cette différence-là. En fait, ils sont capables de déconstruire le son de la corde de guitare en ces différentes harmoniques sans que tu les fasses sur la corde. Ils vont le faire parce qu'ils sont capables de détecter que c'est une guitare et que c'est pas un violon. Le chemin entre les harmoniques et les cellules ciliées est difficile à tracer, sauf que en pratique, ça fonctionne. Le problème est d'autant plus grand quand tu te dis pourquoi as-tu choisi les ondes sinusoïdales. Il y a une raison, c'est parce qu'ils sont plus élégantes, sont liées à la trigonométrie, puis le cercle, le nombre pi, puis tout ça. Mais en réalité, j'aurais pu choisir n'importe quelle sorte d'onde orthonormale. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça vient d'une lecture. OK. C'est un beau mot quand même, orthonormal. Tu dis ça dans une conversation, dans un party, t'as de l'air intelligent. Je vais m'en souvenir. J'aurais pu choisir n'importe laquelle qui est orthonormale et qui répond à d'autres critères. et décrire les harmoniques avec celle-là en disant que je peux en additionner à l'infini en suivant certains ratios. Mmh. C'est juste que l'onde sinusoïdale, c'est une onde de base, facile à comprendre. C'est ça. Puis qui a un lien facile avec les mathématiques qui rend les calculs aisés. Peut-être qu'on pourrait faire des traitements de sons vraiment avancés qu'on ne connaît pas parce qu'on n'utilise que l'onde sinusoïdale. Puis si on utilisait une autre sorte, ça simplifierait certains calculs. Mais pour l'instant, je pense qu'on a une gestion satisfaisante là, du son au niveau numérique, mathématique. Donc, quand j'entends un son, j'entends pas seulement la note fondamentale sur ma cellule ciliée, mais toutes les cellules ciliées qui sont avant vont entendre toutes les petites harmoniques qui, comme les harmoniques vont plus vite que la fondamentale, sont aussi plus aiguës. Ben, ils vont comprendre toutes ces harmoniques-là. Puis en sachant quelles cellules sont plus excitées que d'autres, mon cerveau me dit c'est quel instrument, c'est quelle personne qui parle, c'est quel animal qui a fait ce son-là, ou si l'eau est chaude ou si elle est froide. Fait que je sais pas si l'exemple avec l'onde carrée était convaincant en audio parce que c'est plus facile à voir sur un dessin. Mais en combinant des harmoniques comme ça, je peux demander à une machine, comme je disais tantôt, avec des haut-parleurs, mais je suis pas obligé de le faire dans un million d'haut-parleurs. Je peux aussi le faire dans une seule machine et sortir toutes les harmoniques par le même haut-parleur. Si ça se faisait pas, on pourrait pas entendre de la musique par un haut-parleur, on entendrait juste des ondes sinusoïdales. Juste un son par haut-parleur, donc il faudrait avoir une infinité d'haut-parleurs. Peut-être pas une infinité, mais un très grand nombre. Donc ça veut dire que si j'ai une machine, analogique ou numérique, qui est capable de combiner des harmoniques puis de les sortir, ben je pourrais sélectionner, faire du cherry-picking d'harmoniques puis reconstruire un son avec. C'est pas 100% comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui pensent que de changer le contenu harmonique d'un son, ça fait tout le travail, mais c'est pas tout à fait vrai. Si je prends un son de violon à l'ordinateur, puis je joue avec les niveaux très finement pour ajuster les harmoniques, les mettre pareil à un son de trompette, je vais quand même savoir que c'est un violon. Parce que la composition des harmoniques est pas fixe en fonction du temps. J'ai des harmoniques qui vont apparaître et disparaître en fonction de leur interférence avec d'autres. Et j'ai aussi des particularités du son, par exemple une trompette. Je vais pousser le son de façon soudaine, c'est difficile d'y aller très doucement, tandis que le violon, je peux aller super doucement, super progressif. Le frottement des poils de l'archet, des crins, sur la corde va produire une espèce de bruit blanc qui ne s'entend pas dans la trompette, mais le souffle de l'air dans la trompette va faire un autre genre de bruit blanc qui ne s'entend pas chez le violon. Mais somme toute, ces sons-là sont quand même contenus dans certaines harmoniques, puis leur progression en fonction du temps peut être capturée par quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Avec un ordinateur qui a assez de puissance, on pourrait aller toutes les chercher. Ben, ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser un synthétiseur analogique additif qui aurait que des ondes sinusoïdales, mais en aurait, je sais pas moi, pas obligé d'en avoir une infinité, tu peux peut-être en avoir 15, et peut-être que rendu à 15, l'oreille humaine ne voit plus la différence. Et si tu sais exactement ce que tu fais, tu contrôles en temps réel tous les niveaux de ces 15 ondes-là, ben peut-être que tu peux imiter n'importe quel son, y compris la voix humaine. Et ben c'est comme ça que fonctionne le synthétiseur en général. Je sais pas si tu voulais une transition particulière ou si on poursuit avec le reste. C'était assez longtemps qu'on continue. Je pense qu'on va juste prendre une petite pause pour nous. Pour vous, chers auditeurs, c'est la fin de la partie 1. On se rejoint dans un laps de temps encore indéfini pour la partie 2.